jusqu'au ciel. Tu as toujours envie, le jour comme la nuit, de faire le voyage. Et j'entre au paradis chaque fois que l'amour te jette dans mes bras. Et je m'envole si haut, toujours de plus en plus haut, que depuis longtemps déjà. Je tutoie les anges, on me connaît au paradis. Moi je tutoie les anges, ils sont comme de vieux amis. Oui, je tutoie les anges, et dans la maison du bon Dieu, je peux quand je le veux m'asseoir au coin du feu. Car avec toi mon ange, moi je tutoie les anges. Il suffit d'un regard et c'est le départ d'un autre voyage. Je suis au paradis tout le temps que l'amour te garde dans mes bras. Et je m'envole si haut, toujours de plus en plus haut que depuis longtemps déjà. Moi, je tutoie les anges, on me connaît au paradis. Moi, je tutoie les anges, ils sont comme de vieux amis. Oui, je tutoie les anges.